Chapitre 18e. J'approchais, sans le savoir, du moment où la case inhospitalière du seigneur X allait cesser de m'abriter. Quelques jours après l'excursion que je viens de raconter, on apporta, étendu dans un hamac, un Indien presque mort. C'était le brave garçon qui avait tué le serpent et m'avait aidé à le traîner. Il mourut le lendemain. J'appris à mon réveil qu'on avait fait prévenir ses parents et que l'on ne tarderait pas à enlever le pauvre corps. L'idée me vint aussitôt que, puisque je n'avais pas pu peindre d'Indien vivant, il ne fallait pas laisser cette occasion d'en peindre un mort. J'allai immédiatement me placer dans le petit réduit où l'Indien gisait sur une vieille natte, son lit ordinaire, les mains serrées l'une contre l'autre, le tronc enveloppé d'une vieille blouse bleue, les cuisses et les jambes nues. Tout à côté était la cuisine. Ses camarades, que je voyais à travers les interstices de la cloison, d'où la terre qui décore les cases était tombée, causait et riait devant un grand feu où il faisait cuire des poissons. Près du défunt se tenait sa mère, la vieille Rose. Elle murmurait à voix basse le chant des morts, chassant les mouches du visage de son fils, lui ouvrant les yeux de temps à autre, ou interrompant son chant pour mordre dans un des poissons qu'on allait chercher à la cuisine. J'avais dit, en me préparant à faire cette étude, que je me retirerais dès que je verrais venir les parents invités. La mère, à ma grande surprise, non seulement n'avait exprimé aucun mécontentement en voyant que je me mettais au travail, mais encore, elle m'avait aidé à ranger divers objets dont j'avais besoin. Je ne perdis pas de temps. J'avais presque terminé l'ébauche quand j'entendis que l'on disait « Voilà les Indiens !» À ce moment même, mon hôte, se précipitant dans la cabine, me dit avec un ton plus que grossier « Allons, il faut en finir, dépêchez-vous » Et sur ma réponse, que dès que la mère trouvait bon ce que je faisais, je ne voyais pas pourquoi les parents éloignés seraient plus difficiles. Il sortit et j'entendis qu'il criait, en se promenant de long en large, « Qu'il termine son ouvrage, nous verrons une autre fois. Croit-il que je vais me brouiller pour lui avec les Indiens ?»« Je suis féroce quand on me trouble dans mon travail. » Il n'en fallait pas tant, d'ailleurs, pour faire déborder mon indignation contenue depuis trop longtemps. Je pris à la hâte tout ce que j'avais apporté près de la couche mortuaire. Je passai en silence près de cet homme qui m'avait causé tant d'ennui, en me jurant de ne plus vivre un jour de plus sous son toit, dussé-je aller mourir seul au milieu des bois. J'entrai donc dans ma chambre. J'enfermai tout ce qui m'appartenait dans mes malles. Je mis les clés dans ma poche et m'éloignai pour ne plus revenir. Où aller? Quel autre logement trouverais-je? Qui me nourrirait? N'importe, la faim, la soif, la fatigue, les dangers, je saurais tout braver pour ne plus subir cette ignoble hospitalité. Tandis que je marchais à grands pas au hasard, mon estomac me fit comprendre vivement qu'il n'était point satisfait. Par bonheur, j'avais ramassé la veille en chassant une vingtaine de goyaves. Je m'assis près d'un torrent et les mangeai. Après ce frugal repas et le premier moment de ma fière irritation passée, je me remis en route, non sans faire alors quelques réflexions assez peu agréables sur la situation où je me trouvais. Pendant plusieurs heures, je suivis à l'aventure des sentiers embahis par les hautes herbes. La nuit approchait. J'entendais déjà des cris bien connus. Je me sentais accablé de fatigue et la faim recommençait à m'aiguillonner. L'émotion passionnée qui m'avait soutenu d'abord s'était apaisée. Si je ne sortais pas bientôt de la forêt, je n'aurais d'autre ressource que de me coucher à terre. Ce n'était pas rassurant. Je redoublais d'efforts et j'arrivais enfin à une grande clairière. Des arbres, en partie brûlés, jonchaient çà et là le sol, où déjà de nouvelles plantes poussaient. On avait essayé de construire en cet endroit une case. Elle était tout à jour comme une cage. Je fis fuir plusieurs animaux lorsque j'y entrai, mais je ne les vis pas. L'obscurité était profonde. Je me couchai dans le coin le plus abrité, et malgré les souffrances de la faim, je m'endormis profondément. Je ne me réveillai qu'au lever du jour en sentant une grande chauve-souris qui me battait le visage de ses ailes. Je me dressai rapidement pour la prendre, elle manquait à mes collections. Je ne pus la saisir. Le jour précédent, si j'avais été plus calme, j'aurais du moins fui dans la direction des lieux que j'avais déjà explorés. Mais j'avais cédé au seul désir de ne plus être exposé à rencontrer mon hôte. Maintenant, il m'était indifférent d'aller d'un côté ou d'un autre. Après quelque temps de marche, je découvris des arbres chargés de goyaves. Je fis avec ces fruits un repas copieux et par précaution, j'en remplis mes poches. Je continuai ensuite mes recherches. Enfin, des aboiements se firent entendre. J'allais du côté d'où ils venaient et j'arrivais devant une case. Une douzaine de chiens hargneux m'assaillirent, mais ils étaient si poltrons qu'au premier geste que je fis, ils se sauvèrent en hurlant. Je rentrai dans la case, et il ne s'y trouvait personne. Les habitants, toutefois, ne devaient pas être bien éloignés, car je voyais, sur de la cendre chaude, cuire doucement quelques-unes de ces grosses bananes qu'on mange rarement crues. Je m'assis. Une demi-heure après, les chiens aboyèrent, puis deux hommes armés de fusils entrèrent avec trois femmes, dont l'une était très vieille. Par grande fortune, ces Indiens-là parlaient un peu le portugais. Je leur souhaitais le bonjour le plus gracieusement possible. Puis, me rappelant avoir entendu dire qu'un vieil Européen habitait de ce côté, je leur demandai s'ils le connaissaient. Ils ne me comprirent pas. Était-ce ma faute ou la leur, je ne savais. Les deux hommes se consultèrent. Pendant ce temps, les trois femmes, confiantes dans leur défenseur, attisèrent le feu, retournèrent les bananes, en placèrent deux des plus belles sur une feuille de manioc, et l'une d'elles vint me les offrir. De leur côté, les hommes déposèrent leurs fusils contre la paroi. Les chiens eux-mêmes, qui jusque-là n'avaient cessé de grogner contre mes jambes, commencèrent à s'apaiser. Un des deux Indiens trouva moyen de me dire que ce que j'avais demandé était pour eux inintelligible. Alors je crus devoir mêler à mon détestable portugais une pantomime savante et animée. Pour indiquer le blanc que je cherchais, je me montrai modestement, je portai le bout de mon doigt contre mon visage, et je disais, dans mon langage très rudimentaire, « Où demeurait celui qui est blanc comme moi ?» J'oubliais que j'étais couleur pain d'épices. À la fin, à travers mes gestes ou mes paroles, ma pensée se fit jour, car l'un des hommes reprit son fusil et me fit signe de l'accompagner. Après une heure de marche sur un terrain qui paraissait avoir été cultivé, mon guide frappa la porte d'une baraque d'où sortit un bonhomme que j'aurais volontiers embrassé parce qu'il me demandait en espagnol ce que je désirais. Nous causâmes longtemps. Je lui exposai mon projet de vivre seul dans le bois si j'y trouvais une case. D'abord il essaya de me décourager. Je tins bon et il me conduisit à un endroit où se trouvaient plusieurs cases. Deux Indiens en ce moment ajoutaient à l'une d'elles une petite chambre. La case était composée, selon l'usage, de légers troncs d'arbres, de parois faites de petites branches horizontales, attachées au tronc par des lianes et recrépies avec de la terre détrempée. Le toit était couvert de branches de palmiers. J'entrai dans la petite chambre d'où on avait tiré la terre à recrépir, si bien que j'y enfonçai jusqu'à la cheville. Je déclarai néanmoins que c'était là que j'étais déterminé à établir mon domicile. Le bonhomme me dit que je voulais donc y mourir. Mais je lui répondis que tout me paraissait préférable à la nécessité de retourner dans la demeure du seigneur X. Voyant que je ne changerais pas de résolution, il demanda pour moi cette loge humide que l'on m'octroya sans exiger aucune rétribution et de plus, il me procura pour serviteur un jeune garçon nommé Manoël. Enfin, il décida trois hommes à aller chercher mes malles à la case de l'Italien, qui se trouvait beaucoup moins éloigné que mon voyage en zigzag dans la forêt ne me l'avait fait supposer. Le bonhomme eut encore la complaisance de me donner un banc, quelques bananes, un morceau de lard complètement gras et de la farine sèche. Le lendemain, les deux Indiens arrivèrent avec mes malles. Le seigneur X avait fait triste mine en apprenant ma résolution. Entouré de voisins dont il s'était fait des ennemis, il avait répondu le bruit que j'étais un grand personnage, très bien en cour, et qu'il fallait me ménager. Qu'allaient penser maintenant les voisins à la nouvelle que j'avais rompue avec lui pour aller vivre seul dans les bois, sans autre protection que mon fusil? Mais que m'importait le seigneur X? Désormais j'étais bien réellement libre. Ce fut avec joie que je sortis de mes malles, tous mes ustensiles et un hamac dont je n'avais pas fait usage jusqu'alors. Avec le secours de Manoël, il ne me fallut pas plus de deux jours pour rendre mon petit intérieur tout à fait confortable.